savez-vous ce que racontent les dauphins des grandes mers? Une histoire de ce monde, mais d'un autre univers. Tout près d'un port des Flandres, il y a bien longtemps, Yann avait un navire, mais n'avait pas 16 ans. N'est pas pirate qui veut sur la grande mer du Nord, n'est pas heureux qui veut dans la grande course au trésor. Yann fit son équipage de fuyards encerclés, de forbans les plus louches et de filles damnées. Quand ils furent au large, toute voile dehors, Yann et son équipage proclamèrent l'âge d'or. N'est pas pirate qui veut sur la grande mer du Nord, n'est pas heureux qui veut dans la grande course au trésor. Sur le pont du navire, toujours il y avait bal. On buvait sans être ivre, on aimait sans carnaval. 20 vaisseaux de 10 empires coulaient rien un soir. On entendait claquer des rires parmi les voiles noires. Avec son équipage, il partit lentement vers d'autres rivages, chevauchant les grands dauphins blancs. C'est l'histoire que raconte dauphins à leurs enfants. Yann avait un navire, mais n'avait pas 16 ans. Mais n'est pas pirate qui veut sur la grande mer du Nord, n'est pas heureux qui veut dans la grande course au trésor.